Tell me what you need. Andy, c'est pas à moi, c'est Andy. Until the witchy won't rock and roll. Allez, Pepper Folk, à fond. Attends, j'installe mon matos. Faut que je m'y retrouve dans les fils. Something on sound is down. And to me, my mom will say, Pierre. Time I'm with you by my feet. And to me, my mom will be stable. Loin. One, start one. We'll be right back.

Non, non, continue, c'est bon. Allez, allez. Ça me change. Je prends pas souvent la guitare électrique. Oui, il a raison. Et moi, je crois aussi pour moi, il faut que le niveau il aille à moins 12 maximum sur le curseur. Le son, vous mettez en solo sur la guitare, je crois. Faut éviter de dépasser moins 6. Pas moins 10. Hein. Je pense. Ah, peut-être. Moi, j'ai cru comprendre que il y a une espèce de gros truc. Moi, ça monte. Ah, moi, avec le chant, ça... faut que j'enlève le chant. Que... j'enlève le chant là. Ah. Moi j'entends tout trop fort sur mon guitare, mais c'est bizarre. Ah oui, d'accord, ah, si. Thank you. We'll be right back. Thank you.